Section 3 de La Bête du Gévaudan. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Lu par Stéphanie. La Bête du Gévaudan par Élie Berthet. Chapitre 3. La déclaration de guerre. Il y eut un moment de silence embarrassé. Évidemment, M. de la Rochebosseau éprouvait maintenant un vif désir d'entrer en communication plus intime avec le prieur et son neveu, mais l'orgueil l'empêchait de faire des avances. De son côté, le père Bonaventure, devinant cette intention, se tenait prudemment sur la défensive. Le baron, les jambes croisées, se mit à tambouriner sur la table du bout de ses doigts. Enfin, il demanda d'un ton brusque. « Ah ça, révérend père, j'espère bien que vous ne me gardez pas rancune pour ma vivacité de tout à l'heure. Rien ne dispose à la mauvaise humeur, comme un estomac vide. La seule coupable dans cette affaire est notre étourdie d'hôtesse qui vous a livré sans vergogne le déjeuner préparé pour moi. » Le moine, tout en pelant minutieusement une belle poire, répondit qu'il avait ignoré cette circonstance, mais qu'en tout cas il était assez bon chrétien pour excuser un mouvement d'humeur. « J'en suis ravi, mon révérend père. » Car aussi bien il existe entre nous certains autres motifs de mécontentement réciproques, et je serais heureux que cette rencontre nous fournit l'occasion d'en finir avec ces anciennes rivalités. Quel serait votre avis à cet égard, monsieur le prieur ? Bonaventure répondit avec le même flegme et la même humilité qu'il était toujours prêt à faire ce qui serait conciliable avec son devoir pour obtenir les bonnes grâces de monsieur le baron. Celui-ci ne parut pas très satisfait de ces paroles vagues et pleines de réserves. Il ajourna l'explication qu'il avait été sur le point de provoquer, et demanda distraitement. « Sans doute, mon révérend, vous allez à Mercoire, chez mademoiselle de Barjac. »« En effet, monsieur le baron. »« Et vous-même ? » ?»« Vous le savez bien, tout le pays le sait. Je vais en bon paladin exterminer le monstre qui désole les terres d'une belle châtelaine. »« Et pensez-vous vraiment, monsieur le baron ? » demanda le prieur avec un intérêt marqué. « Venir à bout de cette bête enragée ?»« J'en suis sûr, » répliqua la Rochebosseau, avec la suffisance d'un chasseur. Ce loup, d'après les dernières nouvelles, s'est réfugié dans les bois de Mercoire, et il est douteux qu'il en bouge. Demain il sera rembûché, levé, chassé et tué inévitablement avant la fin de la journée. Vous pouvez y compter. Fort bien pour demain, mais aujourd'hui des voyageurs paisibles pourraient-ils, à votre avis, traverser la forêt sans danger? Cette fois, le père Bonaventure laissait percer tant de frayeurs que le baron peut-être ne put résister au malin plaisir de le tourmenter. « Hum, » dit-il froidement, « cette bête est de taille colossale et d'une hardiesse inconcevable. Il ne faudrait pas s'y fier. » Le prieur poussa une espèce de gémissement et regarda son neveu qui demeurait calme. En ce moment, dame Richard rentra accompagnée de ses servantes, qui apportaient le déjeuner du baron. Toute conversation suivie devenait impossible. Mais bientôt la Rochebosseau, comme s'il eût été impatient lui-même de poursuivre l'entretien, congédia l'hôtesse et les gens de service, assurant avec sécheresse qu'il n'avait plus besoin de rien. Le prieur, de plus en plus alarmé, à mesure que l'heure du départ approchait, reprit bientôt d'un ton caressant. « Voyons, monsieur le baron, puisque nous allons également à Mercoire, ne pourriez-vous nous accorder l'honneur de voyager avec vous ? Votre bravoure est connue, et d'ailleurs vos gens forment une escorte respectable. Permettez-moi donc de marcher en votre compagnie, et certainement mademoiselle de Barjac, notre pupille, ne vous sera pas mauvais gré de votre complaisance. » Cette demande directe semblait avoir coûté quelque effort au bon père. Cependant, le baron ne se montra pas très empressé d'accepter la proposition. Il s'excusa sur la nécessité où il serait de voyager très rapidement, car il aurait le soir même beaucoup d'ordres à donner et beaucoup de dispositions à prendre pour la battue du lendemain. « Nos mules ne sont pas mauvaises, » répliqua le prieur, dont l'obstacle irritait les craintes secrètes, « et vos fins chevaux ne pourront guère aller plus vite qu'elles dans les affreux chemins des montagnes. Vraiment ?» « Monsieur le baron, serait-il généreux de nous refuser une faveur qui vous coûtera si peu ?» La Rochebosseau sourit d'un air singulier. Puis il but coup sur coup plusieurs verres de ce vin de Saint-Péret, pour lequel il avait une préférence marquée. Et, enhardi sans doute par la généreuse boisson, il reprit d'un ton plus ouvert. « Eh bien, père prieur, peut-être serais-je disposé à vous servir, mais au moins, morbleu, faut-il que je sache d'abord si vous êtes mes amis ou mes ennemis. » « Vos ennemis, monsieur le baron ? Vous n'avez pas d'ennemis parmi les révérends pères de Frontenac. Mais y ai-je des amis? C'est une autre question, n'est-ce pas? Digne prieur. Tenez, jouons jeu sur table. Et puisque le hasard ou la providence, si vous aimez mieux, nous réunit ici, sachons profiter l'un et l'autre de cette circonstance favorable. Je pense, continua la Roche-Boisseau en se tournant vers Léonce, que je puis parler librement devant ce jeune homme. C'est mon neveu, répliqua le moine avec empressement. C'est mon secrétaire, mon confident, mon alter ego. À la bonne heure. Du reste, je n'ai pas l'habitude de faire grand mystère de mes projets. Écoutez donc et soyez franc comme moi. Vous n'avez pas oublié, mon révérend père, mes griefs légitimes contre votre abbaye, et particulièrement contre vous qui êtes l'âme du couvent, qui en avez toute l'autorité. Contre moi, monsieur le baron? Ne m'interrompez pas, je vous prie. Ces griefs, déjà très anciens, sont ceux de ma famille autant que les miens propres. On me regarde, je le sais, comme un étourdi, un écervelé, qui ne songe qu'à mener joyeuse vie. On s'imagine que je suis incapable de réfléchir. On me suppose plein d'indifférence pour les intérêts et la dignité de mon nom. On pourra s'apercevoir bientôt qu'il n'en est rien. Si grands que fussent les obstacles, je saurais bien les briser, si l'on avait l'imprudence de me pousser à bout. Tout en parlant, il fronçait le sourcil et serrait les poings avec menace. Mais Bonaventure demeura impassible. Le baron reprit bientôt d'un ton plus calme. Nous remonterons, si vous le voulez bien, mon révérend père, à des événements qui se sont passés, il y a 16 ou 18 ans déjà. Mon père vivait alors, et aussi mon oncle, le comte de Varinas, seigneur de la magnifique terre dont il portait le nom. Il n'avait jamais existé une bien vive sympathie, j'en conviens, entre mon père, le baron de la Roche-Boisseau, et son frère aîné, le comte de Varinas. Mon père était, comme moi, un joyeux gentilhomme, bon vivant, peu ménager de son bien, aimant le plaisir et la bonne chère. Varinas, au contraire, avait une humeur sombre, un tempérament maladif. Sur les derniers temps de sa vie, surtout, il était devenu avare et dévot outre mesure. Depuis la mort de sa femme, au lieu de résider dans ses terres, il passait tout son temps à l'abbaye de Frontenac, où il avait un logement et où, disait-on, vous, mon révérend père, vous exerciez une grande influence sur son esprit affaibli. Néanmoins, les relations des deux frères entre eux n'avaient jamais été hostiles. En toute occasion, ils se témoignaient les égards que l'on se doit entre proches parents dans une famille honorable. À cette époque, ni mon père ni moi, nous ne pouvions supposer que nous fussions jamais appelés à recueillir la succession du comte. Il avait un fils de 3 ou 4 ans qu'on appelait le vicomte de Varinas, et qui devait après lui hériter de son nom et de son domaine. Mais cet enfant mourut par accident, et moins de 6 mois après, le comte lui-même rendait le dernier soupir à l'abbaye de Frontenac. En apprenant cette triste nouvelle, mon père, malgré la froideur qui avait existé entre lui et son frère pendant les dernières années, sentit vivement ce coup et accourut à l'abbaye pour rendre compte les derniers devoirs. Cela fait, il voulut réclamer, tant en mon nom qu'au sien, des biens de famille, et notamment le domaine de Varinas, qui lui revenait comme aux plus proches parents et à l'héritier naturel du seigneur défunt. Mais quelle fut son indignation quand on lui montra un testament par lequel mon oncle léguait à l'abbé de Frontenac la propriété de ses terres et de ses châteaux. C'était une iniquité révoltante. Évidemment, il y avait, dans cet acte, dol et captation. On avait abusé de la faiblesse d'esprit du comte à ses derniers moments pour dépouiller sa famille. On avait employé la ruse, la violence peut-être, afin de lui arracher cet acte insensé. Aussi mon père, qui était d'un tempérament bouillant et emporté, jeta-t-il feu et flamme. Il traita fort durement votre abbé et son chapitre, puis il quitta Frontenac en jurant qu'il obtiendrait justice. En effet, il intenta un procès à l'abbaye devant le parlement de Bordeaux pour obtenir l'annulation de cet absurde testament, mais alors se montra le grand pouvoir dont jouissait la gente monacale dans cette province. La cause de l'abbé de Frontenac devint celle du clergé tout entier. De hauts personnages ecclésiastiques, des évêques même, intervinrent en sa faveur. On invoqua contre nous cette vieille accusation de protestantisme qui apparaît chaque fois que nous voulons revendiquer nos droits. Vous surtout, mon révérend père, vous fûtes, si j'ai bonne mémoire, car j'étais très jeune alors, l'agent le plus actif, le plus intelligent de la cause de votre abbé. Grâce à vos efforts, mon père fut débouté de sa demande, condamné à des frais considérables, tandis que le couvent était maintenu dans la possession de notre patrimoine. Dites, mon révérend père, les événements que je viens de rappeler rapidement ne sont-ils pas de la plus exacte vérité? La haine sourde, les insinuations malveillantes que contenait le récit n'avaient altéré en rien la sérénité du prieur. Il avait écouté tranquillement, les bras croisés sur sa poitrine et le sourire sur les lèvres. Les faits, sinon les appréciations, sont de toute exactitude, monsieur le baron, répliqua-t-il. Je ne nierai même pas d'avoir été personnellement pour beaucoup dans la perte du procès de Monsieur de La Roche-Boisseau, votre père. Et si j'ai mal agi, j'en rendrai compte à Dieu, à ma conscience. Seulement vous avez omis, par inadvertance sans doute, une petite circonstance qui peut changer complètement la face des choses. C'est que la donation faite à notre révérendissime abbé, par feu votre oncle, de pieuse mémoire, n'est pas définitive. Elle ne doit être considérée provisoirement que comme un fidéicommis. Un codicille du testament du comte de Varina s'est conservé dans le chartrier de notre maison, et par la volonté expresse du testateur, ce codicille sera ouvert seulement après un délai qui expire dans quelques mois d'ici. Dans quelques mois donc, la volonté réelle de votre parent sera connue. Jusque-là, vous devez vous abstenir d'accuser sa mémoire. D'un autre côté, nous n'avons jamais considéré comme nous étant acquis les biens de Varinas. Nous nous sommes contentés de les administrer avec sagesse, et nous le restituerons à qui de droit le jour où le testament définitif nous aura révélé nos devoirs. Ce prétendu codicille n'est qu'une ruse indigne, s'écria impétueusement le baron, et je sais bien qu'il ne modifiera pas d'une manière sérieuse le sens du premier acte. J'ai deviné, père prieur, les adroites manœuvres par lesquelles votre communauté veut s'assurer la paisible jouissance des terres de Varinas. Craignant sans doute que la donation franche et immédiate de ces riches domaines n'excitât l'indignation générale, vous avez tenté de lui donner la forme conditionnelle, afin d'éviter l'odieux d'un pareil legs fait au détriment des héritiers légitimes. Vous avez pensé qu'il convenait de gagner du temps pour habituer peu à peu l'opinion publique à cette outrageante spoliation. En attendant que ce codicille vous garantisse complètement la propriété des biens de mon oncle, vous affectez de dire que vous en êtes seulement les dépositaires, et depuis près de 16 ans vous n'avez pas été troublé dans votre usurpation. Vous espérez qu'après ce long délai, on aura oublié votre captation coupable, que les passions se seront calmées et que vous pourrez, sans bruit et sans secousse, ajouter définitivement notre héritage aux vastes possessions de votre abbaye. Il n'en sera peut-être pas ainsi, monsieur le prieur. Je reviendrai. Je ne m'en cache pas sur cette ancienne affaire dès que l'occasion s'en présentera. Mon père est mort à la peine, presque ruiné par vos intrigues et vos chicanes. Mais j'existe encore et je saurai bien revendiquer les droits de ma famille. Vient le moment où ce codicille sera ouvert. Et si cet acte donnait gain de cause à vos manœuvres, vous pouvez être assuré que je ne resterai pas oisif. Les temps sont bien changés depuis 16 ans. Le siècle a marché, le clergé n'a plus l'influence omnipotente d'autrefois. On parle de chasser de la France la plus riche, la plus puissante des corporations religieuses, celle des jésuites. Grâce à la philosophie et au progrès des Lumières, le vent commence à tourner contre vous. Prenez donc garde. Pour cette fois, votre crédit ne suffirait pas, peut-être, à faire triompher une iniquité. La Roche-Boisseau s'était exprimée avec une grande véhémence, et Léonce lui-même paraissait frappé de la légitimité de ses plaintes. Le jeune homme, le coude appuyé sur la table, examinait son oncle d'un air étonnamment douloureux, comme si son âme honnête n'eût pu croire aux indignités dont on accusait la communauté des Frontenacs, et on eût attendu la justification. Mais le père Bonaventure continuait de rester impassible. Il souriait, tout en arrangeant du revers de sa main blanche et potelée les plis de sa robe monacale. « Eh bien, monsieur le baron, reprit-il, vous ne sauriez maintenant attendre longtemps l'occasion que vous cherchez. Comme je vous l'ai dit, le temps fixé pour l'ouverture du codicille de votre oncle expirera bientôt. Vous agirez alors d'après les suggestions de vos intérêts ou de vos ressentiments. Quant à l'abbaye de Frontenac, elle fera respecter, sans crainte et sans faiblesse, les volontés du comte de Varinas, quelles qu'elles soient. L'assurance de prière était franche et naturelle. Le baron en fut intimidé sans doute, car il poursuivit plus doucement. « N'allons ni trop vite ni trop loin, mon révérend père. J'ose croire encore que je n'en viendrai pas à ces extrémités. J'ai eu pour but unique, en réveillant le souvenir de cette vieille contestation, d'établir la réalité des torts que j'ai souffert et les titres que je pourrais avoir à une compensation de la part de votre communauté. Si cette compensation m'était accordée, je prendrai l'engagement solennel de ne jamais plus troubler l'abbaye dans la possession des domaines de Varinas. Une compensation, monsieur le baron? Je ne vous comprends pas. Je crois au contraire que vous me comprenez fort bien, mon révérend père. Mais écoutez encore. Par suite du procès que nous avons soutenu contre votre couvent, peut-être aussi par suite de dissipations inconsidérées, ma fortune actuelle, personne ne l'ignore, est gravement compromise. Mes revenus sont aliénés en partie, mes terres engagées, et sans les secours intéressés peut-être de Maître Le Gris, mon homme d'affaires, il me serait souvent fort difficile de porter dignement mon nom. Or, je ne vois que deux moyens de me relever de cette pénible situation. Ou bien je profiterai des circonstances pour réclamer à outrance les terres de Varinas, dont je suis frustré, ou bien je rétablirai ma fortune par un mariage avantageux. C'est de ce dernier projet que je vous prierai, révérend père, de faciliter l'accomplissement. Me comprenez-vous enfin ? Pas encore, monsieur le baron. Vous faites preuve habituellement de plus de perspicacité, reprit la Roche-Boisseau avec sécheresse. Mais je m'expliquerai clairement. Mon père, votre couvent, qui recueille si volontiers les gros héritages, montre de même un goût particulier pour les riches héritières. Vous avez donc en ce moment une opulente pupille sur laquelle vous veillez avec une sollicitude jalouse. Vous l'entourez d'espions, vous scrutez ses actions les plus innocentes, vous prenez ombrage de tous ceux qui l'approchent. Sans pouvoir démêler le but des intrigues dont on enveloppe Mademoiselle Christine de Barjac, j'aime à croire pourtant qu'on n'a jamais songé à faire d'elle une religieuse et à doter de ses superbes domaines quelque couvent de femmes que l'on voudrait favoriser. Le moine, depuis un moment, semblait supporter avec moins de patience ces expressions passablement outrageantes dont se servait son interlocuteur. Une teinte cramoisie colora les pommettes de ses joues. « Monsieur le baron, répliqua-t-il d'une voix légèrement tremblante, malgré mon désir de rester dans les bornes de la modération, je ne puis tolérer davantage vos suppositions injurieuses envers la sainte maison dont je suis professe. Si donc cet entretien doit se prolonger, je vous invite à parler avec moins d'aigreur et plus de justice. L'abbé et le chapitre de Frontenac n'ont jamais eu la pensée de vouer Mademoiselle de Barjac à la profession religieuse, et ils persisteront dans cette résolution, à moins que leur pupille ne montre une vocation positive, persistante, qui ne semble guère probable. Vous savez en effet combien est pénible notre tâche de veiller sur cette jeune fille volontaire, indomptable, rebelle à tout conseil. Les Ursulines demandées ont essayé de lui enseigner les éléments de l'instruction, mais ses progrès ont été médiocres, et elle est sortie de ce couvent au bout de 2 années, laissant les pauvres sœurs à moitié folles de son insoumission et de sa turbulence. Depuis son retour au château de Mercoeur, nous avons placé près d'elle un brave et loyal gentilhomme, ainsi qu'une vieille religieuse dont nous connaissons de longue date la patience, le dévouement et la haute vertu. L'un et l'autre nous ont écrit plus de 20 fois déjà pour nous supplier de mettre un terme à la mission de confiance dont nous les avions investis. Vous voyez, monsieur le baron, qu'avec une pupille de ce caractère, nous serions fort malvenus d'imposer notre volonté. Si donc mademoiselle de Barjac prétend rester dans le monde et se marier, nous ne songerons pas à contrarier son choix, pourvu qu'il ne soit pas indigne d'elle et de la noble maison dont elle est sortie. « Cela est-il bien vrai, mon révérend père ?» s'écria la Roche-Boisseau avec vivacité. « Ne trouverait-on aucune opposition de votre part, si le prétendant avait le malheur de vous déplaire, à vous et aux autres dignitaires de votre abbaye ? Tenez, supposons que moi qui vous parle, j'ai conçu la pensée d'apprivoiser cette petite lionne, que je sois parvenu à produire sur elle une impression favorable, et que je me hasarde à l'épouser, malgré son humeur farouche. Répondez-moi avec franchise. » « Dans ce cas, ne chercheriez-vous pas à empêcher par tous les moyens une semblable alliance ?» Cette question directe parut fort embarrasser le prieur. Léonce lui-même attendit sa réponse avec anxiété. « Quoi, monsieur le baron ?» demanda Bonaventure. « Auriez-vous, en effet, attiré d'une manière spéciale l'attention de Christine de Barjac ? La noble demoiselle s'est montrée jusqu'ici intraitable pour tous ceux qui ont osé lui adresser des galanteries. Et... elle se fût sans doute montrée de même pour moi si j'avais aussi commis la faute de l'assourdir de ces phrases musquées dont elle a horreur. Non, je ne lui ai jamais dit une parole d'amour. Mais dans les occasions où mes chasses me conduisaient à Mercoeur, Mademoiselle de Barjac prenait plus de plaisir en ma compagnie qu'en compagnie d'aucun autre gentilhomme du canton. C'est peu sans doute, mais de la part d'une jeune fille si différente du type vulgaire, il y a bien là de quoi donner certaines espérances. Si donc je n'avais presque la certitude d'être traversé dans mes desseins, je ne perdrais pas courage. Aussi, je vous adjure de m'apprendre sur quoi je peux compter. Encore une fois, êtes-vous mes amis ou mes ennemis? Et moi, je ne me lasserai pas de répondre que les pères de Frontenac ne sont les ennemis de personne. L'amour du prochain ne nous est-il pas recommandé, même envers ceux qui auraient pu nous offenser? Vous ne m'échapperez pas ainsi, monsieur le prieur. Nierez-vous, par exemple, que votre voyage actuel n'est principalement pour but de combattre mes progrès possibles dans les affections de Mademoiselle de Barjac? N'auriez-vous pas eu connaissance de la préférence que m'accorde votre pupille, et en apprenant mon arrivée prochaine au château de Mercoeur, ne vous seriez-vous pas immédiatement mis en route, vous le conseiller le chef réel de votre communauté, afin de déjouer par votre présence toutes mes tentatives ? Voyons, mon révérend père, malgré votre finesse un peu trop mondaine, j'ai confiance dans votre sincérité. Répondez-moi simplement, non, et je vous croirai sans hésiter. » Ainsi pressé, le père Bonaventure ne pouvait plus éluder la question. « Eh bien, reprit-il, je n'en disconviens pas. Ma présence à Mercoire a semblé nécessaire pour imposer aux prétendants que la richesse et la beauté de Mademoiselle de Barjac attirent sans cesse autour d'elle. Nous remplissons des fonctions toutes paternelles envers cette jeune fille. Pouvions-nous la laisser sans protection et sans conseil au milieu de la société turbulente qui va se réunir dans sa maison même ?»« Fort bien, dit le baron d'un ton sec en se levant. Voilà enfin qui est parlé, mon révérend père. Ainsi, vous voyez d'un mauvais œil mes assiduités auprès de votre pupille et vous combattrez mes projets de tout votre pouvoir. J'ai déjà eu l'honneur d'assurer monsieur de la Roche-Boisseau que mademoiselle de Barjac resterait absolument libre dans son choix. Seulement les pères de Frontenac useront sans doute du droit qui leur appartient de donner des conseils, de présenter des remontrances. De mieux en mieux, répliqua le gentilhomme avec ironie, en se promenant à grands pas et en faisant sonner ses éperons d'argent. Malheureusement pour vous, mon révérend, on assure que vos remontrances ne sont pas fort écoutées de cet enfant indiscipliné. Même apprendrez-vous, du moins, la cause des fâcheux préjugés que vous avez conçus contre moi ? Hé, monsieur le baron, s'écria le père Bonaventure, impatienté de cette insistance, est-il nécessaire de chercher d'autres causes que votre vie désordonnée, le délabrement de votre fortune, et surtout votre attachement secret à l'hérésie protestante ? Ma ruine est votre ouvrage, repartit la Roche-Boisseau avec énergie. Ma vie est celle de tous les gentilshommes qui ont le sentiment de leur noblesse. Quant à cette vieille accusation de protestantisme que l'on me jette sans cesse à la face, comme on l'a jetée autrefois à la face de mes ancêtres et de ceux du très dévot et très fervent catholique le comte de Varinas, je pourrais demander sur quoi elle est fondée. Mais admettons un moment qu'elle soit réelle. Ne vaut-il pas mieux, mon révérend père, rester protestant au fond du cœur que de n'avoir aucune espèce de religion comme tant d'autres ? Et ne serait-ce pas là aussi votre cas, monsieur le baron ? Dit le moine avec sévérité. On assure que le prêche, pas plus que l'église. Mais brisons-la, s'interrompit-il, avec effort. Je ne dois pas scruter les consciences sans y être formellement invité. Dieu nous jugera tous. On se tut encore. Le baron continuait de se promener dans la salle. Enfin, il s'arrêta de nouveau devant le prieur. Ainsi donc, mon révérend père, demanda-t-il avec une colère contenue, vous n'acceptez pas le moyen que je vous offrais de réparer de criantes injustices. J'ai souhaité d'effacer le passé et de conclure avec vous une paix dont mademoiselle de Barjac eût été le gage. Vous préférez la guerre. Je vous la ferai, et ardente, acharnée, je vous le jure. Pour commencer, je vous déclare que j'épouserai votre pupille, en dépit de vous. Le prieur répondit par un sourire à cette espèce de défi. Mais Léonce, jusque-là témoin muet, sinon indifférent de cette scène, s'écria en se levant, comme s'il eût obéi à un sentiment irrésistible. « Quoi, monsieur le baron, vous êtes donc sûr que mademoiselle de Barjac vous aime ?» La Roche-Boisseau se retourna brusquement. Le prieur lui-même parut stupéfait, mais non irrité de la hardiesse de son neveu. « eh bien, qu'est-ce qui vous prend donc, mon petit ami ?» demanda le baron, d'un ton de persiflage en toisant l'adolescent. « Sont cela les manières dont on occupe, dans les couvents, les moignillons de votre sorte ? Ces choses de galanterie ne doivent pas être à votre portée. Vous feriez mieux de lire votre bréviaire. Et sans doute le père ici présent va vous donner une bonne pénitence pour vous être mêlé sans permission à des conversations profanes. « Monsieur, répliqua Léonce, je n'appartiens pas à l'église. Je suis laïque, ainsi que vous, et je ne souffrirai pas. » Il se tut comme effrayé lui-même de son audace. « Qu'est-ce que vous ne souffriez pas, mon jeune garçon ? Demanda la Roche-Boisseau, avec une insultante ironie. « Que mademoiselle de Barjac manifeste de la préférence pour moi ? Je ne vois pas trop en quoi ce fait vous toucherait, et comment vous pourriez l'empêcher ?»« Ce n'est pas cela, » balbutia Léonce, chez qui la colère luttait contre l'embarras. « Je veux dire que la manière outrageante dont vous venez de traiter mon vénérable oncle et les excellents pères de Frontenac... Ah ah, mon bel enfant ! Votre intention est-elle de vous constituer le champion de ces moines et de me demander raison de mes jugements sur leur compte ? C'est à merveille !» Car je ne suis pas disposé à me rétracter et à me repentir. Je dirai même à qui voudra l'entendre que les pères de Frontenac, sans exception aucune, sont hypocrites, intrigants, avides, qu'ils m'ont frustré de mon héritage, et qu'ils espèrent sans doute se servir de leurs innocentes pupilles comme d'un instrument pour acquérir de nouvelles richesses. une influence nouvelle, mais je veillerai, je saurai déjouer leurs manœuvres ténébreuses. J'aime Mademoiselle de Barjac, et peut-être suis-je aimé d'elle. Nous verrons qui osera se jeter à la traverse de mes desseins. Vous l'aimez ? S'écria Léonce, les yeux étincelants. Vous l'aimez, vous dont le cœur est usé, l'âme flétrie ? Je vois, mon bon jeune homme, qu'on vous a donné une sainte horreur des mondains comme moi. Heureusement, il y a loin des préceptes à l'exemple. Oui, ma foi, quoi qu'on en puisse dire, j'aime cette fière et vaillante fille. Ce n'est pas là une femme ordinaire, et je trouve en elle un attrait piquant. Mais morbleu, s'interrompit-il avec dédain. Qu'avez-vous à voir dans tout ceci? Et moi-même ne suis-je pas trop bon de répondre aux questions indiscrètes d'un enfant de cœur à tête chaude? Monsieur, s'écria Léonce d'un ton lassant, je ne puis tolérer davantage vos insolences, et je vais... Eh bien, qu'allez-vous faire, mon vaillant chevalier? Répliqua la Roche-Boisseau en riant aux éclats. Me provoquer? Tête Dieu, ce sera chose plaisante. À vos ordres, mon maître, allons, Flambert, je vends. Tenez, me voici prêt à vous recevoir. Il s'était mis en garde et feignait de parer avec le manche de son fouet des bottes imaginaires. « Quoi ? Vous n'avancez pas ? Poursuivit-il en riant toujours. « Mais, Dieu me pardonne, vous avez oublié votre rapière, mon fougueux gentilhomme de sacristie. Qu'est donc devenu votre rapière ? Je puis du moins vous combattre avec l'arme que vous avez choisie vous-même, s'écria Léonce, hors de lui. Il saisit son fouet, qui était resté sur un siège et courut, le bras levé, vers le baron. Pendant cette violente altercation, le père Bonaventure avait conservé une tranquillité tout à fait inexplicable. On eût dit qu'il voulait étudier jusqu'où irait la légitime indignation de Léonce, mesurer le degré de courage et d'énergie de ce jeune homme, qu'il avait vu depuis son enfance si doux et si paisible. Peut-être cet examen ne donnait-il pas au moine un résultat trop défavorable, car Bonaventure souriait à chaque répartie de son jeune champion. Toutefois, quand il vit les deux adversaires prêts d'en venir aux mains, il courut, avec une vivacité qui ne lui était pas ordinaire, se jeter entre eux en criant « Fi donc, Léonce, oubliez-vous déjà nos leçons? Allez-vous prendre les mœurs et les passions féroces des duellistes à la mode? La raison, la religion, permettent-elles de pareilles disputes? Et vous, monsieur le baron, continua-t-il en s'adressant à la Roche-Boisseau, qui se tenait sur la défensive, ne rougissez-vous pas de vous laisser aller à de telles provocations envers un enfant inoffensif? » Dès les premières paroles de son oncle, Léonce, honteux de son emportement, avait laissé tomber son fouet et avait regagné sa place. Il se cachait le visage dans ses deux mains avec accablement, sans répondre. Le baron, de son côté, changea de contenance et reprit son ton léger. « De par le diable, dit-il, vous avez raison cette fois, révérend père. J'aurais dû mépriser les outrages de votre neveu. Cependant, ajouta-t-il avec une supériorité dédaigneuse, le jeune homme a du feu, et peut-être ne sera-t-il pas facile à conduire quand seulement il aura quelques poils de barbe au menton. Mais laissons cela. Le temps se passe, et il faut que je me remette en route. Puisque vous avez rejeté mes propositions d'accommodement, chacun de nous agira selon son goût, et la victoire sera pour le plus fort ou le plus rusé. » Il ouvrit la porte de la cuisine et cria. « À cheval, mes gens. Tout le monde à cheval. » Aussitôt, il se fit un grand remuement dans la première pièce, comme si l'on se fût empressé d'obéir à l'ordre du maître. « Décidément, monsieur le baron, demanda le prieur avec une humilité fort différente de la fermeté qu'il venait de montrer, vous ne me permettrez pas de profiter de votre escorte pour nous rendre en sûreté à Mercoeur. Malgré les divisions qui existent entre nous, vous seriez très chagrin plus tard, je n'en doute pas. Si quelque accident... »« Vous me supposez beaucoup trop généreux et trop charitable, » répliqua la Roche-Boisseau, de son ton goguenard. « Vrai Dieu, si la bête venait à vous croquer, pensez-vous qu'elle me rendrait un mauvais service ?» De toute l'abbaye de Frontenac, vous êtes le seul homme capable peut-être d'entraver mes projets. J'ai tout à craindre de votre perspicacité, de votre vigilance, de votre infatigable activité. Aussi n'irai-je pas de gaieté de cœur abandonner la chance favorable qui se présente. Nous sommes en guerre, monsieur le prieur, et tous les moyens sont bons pour remporter la victoire. D'ailleurs, ajouta-t-il en regardant Léonce, qui demeurait absorbé dans ses pensées, n'avez-vous pas avec vous un défenseur intrépide, fort capable de mettre à la raison la fameuse bête du Gévaudan? Il vous protégera, et son bouillant courage pourra mieux s'exercer contre un loup que contre un gentilhomme. Nous nous retrouverons ce soir au château de Mercoeur, où vous arriverez sain et sauf, ce que je vous souhaite. Ainsi soit-il. Adieu. » Il remit son chapeau et sortit en sifflant un air de chasse. Quelques minutes après, on entendit le bruit des chevaux qui s'éloignaient. Le père Bonaventure, aiguillonné par la crainte de s'attarder dans les forêts dangereuses qu'il avait à traverser, s'empressa également de demander les mules. Il espérait pouvoir suivre le baron à distance et se mettre ainsi sous sa protection en dépit de lui-même. Mais la maison ayant été bouleversée par ce surcroît de voyageurs, les mules ne se trouvèrent pas prêtes. Puis il fallut écouter les remerciements chaleureux de Dame Richard pour l'honneur que le prieur lui avait fait en daignant s'arrêter chez elle, et ses lamentations au sujet de sa querelle avec la Roche-Boisseau, qui lui avait gardé rigueur et était parti sans même songer à payer la dépense. Ce dont la belle veuve se souciait peu, du reste. Beaucoup de temps fut perdu ainsi. Quand Bonaventure et Léonce furent enfin sortis de l'Angogne, au milieu des révérences et des génuflexions des habitants de la ville, ils n'aperçurent ni le baron ni ses gens, aussi loin que la vue pouvait s'étendre. Fin de la section 3, lue par Stéphanie.